qui est responsable? Qui a laissé faire? Qui a permis que soit perpétré le massacre de Srebrenica, ville martyre de l'ex-Yougoslavie, où des milliers de Bosniaques musulmans ont été exterminés par les hordes serbes du général Mladic? Nous sommes en 1995. La Bosnie-Herzégovine est alors déchirée par une guerre cruelle qui oppose les différents groupes nationaux qui peuplent cette petite république fraîchement indépendante. 2 ans plus tôt, l'ONU a envoyé un important contingent de casques bleus et parmi eux beaucoup de Français. La Fort Pronu, ainsi qu'elle s'appelle, peine à contenir les incursions des bosno-serbes qui ont déjà conquis plus de 70% du territoire bosniaque. Et pour protéger les populations musulmanes, l'ONU a décidé la création de zones de sécurité, des enclaves que Mladic et le président de la République serbe autoproclamé de Bosnie, Karadzic, entendent conquérir. En mai, répondant à une attaque aérienne de l'OTAN sur un de leurs sites, les Serbes ripostent en s'en prenant au casque bleu. Plusieurs centaines d'entre eux sont pris en otage et humiliés. Ils doivent servir de bouclier humain en cas de nouvelles attaques aériennes. Le général français Janvier, commandant de la Fort Pronu, légitimement inquiet, prend langue avec la partie serbe. Il rencontre Mladic et un envoyé du président Milosevic. Les Serbes s'engagent à ne plus s'attaquer au casque bleu et à libérer ceux qu'ils détiennent si le général français renonce aux frappes aériennes. Janvier a toujours affirmé qu'il n'avait rien signé. Toutefois, on observe que très rapidement, les casques bleus otages sont libérés. Et le jour où la zone de sécurité de Srebrenica sera submergée par les troupes de Mladic, aucune opération aérienne, seule susceptible de les repousser, n'interviendra. Bref, si rien n'a été signé entre les généraux français et serbes, tout se passe dans les fêtes comme s'il y avait eu réellement un accord, la sinistre conséquence étant le massacre de Srebrenica. Je crois qu'il faut d'abord rappeler que tous les Bosniaques musulmans réfugiés dans la petite ville de Srebrenica ont de bonnes raisons de croire qu'ils ne risquent rien. Oui, la promesse que leur a faite le général Morillon en 1993. Oui, la promesse qu'ils ne seront jamais abandonnés et que l'ONU continuera de les protéger. Et contre cette promesse, il faut le rappeler, ils ont même accepté de livrer leurs armes. Oui, absolument, ils sont donc confiants. C'est si vrai que ne cessent d'affluer à Srebrenica les habitants de la région fuyant la guerre et ce qu'on a appelé la purification ethnique. Tous ces gens pensent donc qu'ils sont à l'abri dans cette zone de sécurité décrétée par l'ONU. Pourtant, le contingent de la Fort Pronu présent à Srebrenica est plutôt maigre. C'est vrai. 350 castes bleus hollandais sont présents sur place. Il est certain qu'en cas d'attaque massive des combattants serbes, ils seront incapables d'opposer une résistance efficace. D'autant que les objectifs de leur mission sont très flous. Ils sont là pour s'interposer, se défendre à la rigueur, mais c'est tout. Oui. En cas d'attaque, des gens qu'ils sont censés protéger, ils ne sont donc pas autorisés à ouvrir le feu? En principe, non. Et disons-le tout net, dans ces conditions, l'existence de ces zones de sécurité est parfaitement hypocrite. Ou on se donne les moyens de les défendre, ou alors on y renonce. Et c'est ce que l'on pense à l'état-major de la Fort Pronu. Mais on y reviendra, ça, c'est un point essentiel. Dès la mi-juin 1995, des avions espions américains repèrent des regroupements de chars et de troupes à proximité de l'enclave de Srebrenica. L'ONU est mise au courant, là. Ben forcément. Et les réfugiés continuent à affluer. 3000 de plus en ce mois de juin, ce qui pose beaucoup de problèmes. Le ravitaillement, j'imagine. En particulier, oui. Srebrenica, je vous le rappelle, est une petite ville qui n'était nullement préparée à accueillir des milliers et des milliers de réfugiés. Puis il y a aussi des difficultés d'ordre sanitaire. Ici, il faut souligner qu'une ONG française, Médecins sans frontières, se dépensera sans compter et jusqu'au bout pour venir en aide à tous ces malheureux. En tout cas, d'après les informations recueillies par les avions américains, les avions espions, il semble bien qu'une offensive serbe se prépare. Incontestablement. Toujours en cette mi-juin, le représentant personnel du secrétaire général de l'ONU, le japonais Yasushi Akashi, se rend à Belgrade et rencontre le numéro 1 serbe, Slobodan Milosevic. Milosevic qui, vous me l'avez dit, tire les ficelles dans cette histoire. C'est évident. Les Serbes de Bosnie sont à sa botte. Et c'est normal, puisque c'est lui qui les arme. L'objectif, rappelons-le, c'est la création d'une grande Serbie qui regrouperait tous les territoires où vivent les Serbes. Oui, en chassant les autres, Croates, Bosniaques musulmans. Sans oublier Kosovars d'origine albanaise. Ouais. Revenons à cette rencontre entre Akashi et Milosevic. Elle pose une question très troublante. Milosevic aurait dit aux diplomates onusiens qu'aucune attaque aérienne ne serait effectuée sans un accord personnel de Jacques Chirac. Le président français l'en aurait informé. Aurait informé Milosevic. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que Est-ce une conséquence de l'accord qui aurait été passé entre le général Janvier et Mladic? On peut se le demander. Même si, il faut le rappeler, Janvier a toujours nié l'existence de cet accord. D'autre part, à cette date, les casques bleus français ont déjà été libérés. Donc ils ne courent plus de risques. Et Chirac pourrait donc s'estimer libéré d'une éventuelle promesse si les Serbes prenaient l'initiative d'attaquer la zone de sécurité de Srebrenica. Mais si je vous ai dit que cette histoire est troublante, c'est que les Serbes donnent l'impression qu'ils pourront agir en toute impunité. C'est-à-dire sans craindre de représailles aériennes. C'est ça. Enfin, poursuivons. On note, dans les derniers jours du mois de juin, des incursions serbes dans la zone de sécurité. Elles sont menées par des miliciens. Ce sont des missions de reconnaissance. Avant une attaque. Oui, et les événements vont se précipiter. Le 6 juillet à l'aube, les bombardements commencent sur la zone de Srebrenica. Et puis c'est l'attaque au sol. Le commandant hollandais des casques bleus, le colonel Karemans, demande aussitôt à l'état-major de la Fort-Prenu un appui aérien. Mais il essuie un refus. À ce niveau du récit, il faut mentionner que le numéro 2 du commandement des casques bleus, le général britannique Rupert Smith, est alors absent de Sarajevo. Pourquoi ce détail hein? Parce que cet officier a toujours été partisan de riposter par la force aux menées des Serbes. Et vous pensez que sa présence aurait pu changer les choses? C'est très possible, mais Rupert Smith est en congé. Un hasard? On peut s'interroger. Quoi qu'il en soit, l'offensive serbe se poursuit. Et les troupes de Mladic s'emparent d'une importante position au sud de la zone de sécurité. Karemans demande à nouveau l'intervention de l'aviation de l'OTAN. Second refus, alors même que les positions des casques bleus sont directement visées par les assaillants serbes. Est-ce que les casques bleus ripostent alors Ils ne sont pas de taille à répondre à une force de plusieurs milliers d'hommes bien armés et disposant de blindés. En outre, et là aussi ça pose question, ils n'ont pas été ravitaillés en essence et en munitions depuis le mois de février. Alors, deuxième question. Comment expliquer la passivité de l'état-major onusien? Je pense qu'on n'a pas pris les mesures du danger qui pèse sur les réfugiés de Srebrenica. Mais pourquoi? On sait que les troupes de Mladic, en 1993, ont déjà donné la preuve qu'ils n'hésitaient pas à recourir au nettoyage ethnique. Vous avez parfaitement raison. Mais à Sarajevo, où se trouve cet état-major, on doit alors estimer que Mladic, même s'il arrive à prendre Srebrenica, sera bien embarrassé de se trouver devant une telle masse de réfugiés. Par conséquent, on estime qu'il n'ira pas jusqu'au bout. Ça semble quand même très léger comme raisonnement, parce qu'encore une fois, on sait ce que les hommes de Mladic sont capables de faire. Ouais, je sais, oui. Mais j'essaie de me mettre à la place des officiers qui commandaient à Sarajevo. Ça ne veut pas dire que je les approuve. D'autre part, le commandement onusien avait sans doute peur d'être obligé de s'engager dans un combat frontal avec les Serbes. Alors bon, mieux valait sacrifier les Bosniaques musulmans de Srebrenica? C'est malheureusement possible. Mais permettez que je poursuive. La progression serbe est très rapide. Et il faut tout de suite observer que l'armée yougoslave, celle de Milosevic, apporte un soutien important aux unités de Mladic. Oui, ce qui prouve à nouveau la connivence qui existe entre les Serbes de Bosnie et ceux de Belgrade. Bien évidemment. C'est pourquoi le président yougoslave devra aussi répondre devant le TPI, le tribunal pénal international, de sa responsabilité dans les massacres de Srebrenica. 4 jours après le début de l'offensive serbe, la ville de Srebrenica est prise. Karemans, le colonel hollandais, a encore plusieurs fois demandé une intervention aérienne. Mais à chaque fois, le commandant de la Fort-Prenu, le général Janvier, a refusé. Alors, avec quels arguments ces fois-ci? La peur de mettre en danger les casques bleus hollandais, dont une vingtaine a déjà été capturée par les Serbes. De son côté, le japonais Akashi affirmera que la fumée des incendies masquait les cibles éventuelles. Vous y croyez? Pas trop. Autre argument. Les casques bleus auraient pu être victimes de ces frappes aériennes. Enfin, passons. Alors que la ville est déjà tombée, les Bosniaques se mettent pourtant à espérer. Des avions survolent la zone. La force aérienne de l'OTAN vient enfin à leur secours. Mais ils devront bien vite déchanter. Les bombardiers se contentent de frapper un véhicule de transport de troupes et 2 chars serbes. Ouais, peu de choses donc. Ouais, puis ils disparaissent. On ne les reverra plus dans le ciel de Srebrenica. Les massacres peuvent maintenant commencer en toute impunité. Car contrairement à ce qu'on pensait à Sarajevo, Mladic ne va nullement être embarrassé par cette masse de réfugiés. Car il va régler le problème à sa façon en essayant tout simplement d'en tuer le plus possible. Pour être tout à fait honnête, il faut aussi donner la parole au général Janvier qui va être à plusieurs reprises mis en cause. Je me suis donc reporté à son audition devant la mission d'information parlementaire. Le général nie d'abord tout accord avec les Serbes sur l'emploi de la force aérienne. Ensuite, il revient sur ses déclarations devant le Conseil de sécurité de l'ONU dont nous a parlé Monsieur X, je cite Bernard Janvier. Le 24 mai 1995, j'interviens Devant le Conseil de sécurité des Nations Unies à New York, je me suis exprimé très librement. J'ai, semble-t-il, choqué des membres de ce Conseil. J'ai posé la problématique d'une situation où les casques bleus étaient engagés dans une opération de maintien de la paix, où il n'y avait pas de paix à maintenir. J'ai indiqué que la FORPRONU se trouvait sans cesse dans des situations imposant le recours à la force sans avoir les moyens ni la couverture juridique adéquate. J'ai proposé d'appliquer des frappes aériennes à un niveau global, ce qui impliquait alors d'évacuer les forces onusiennes des enclaves en y laissant quelques observateurs. D'autre part, le général Janvier met en cause assez vivement le contingent hollandais et il explique. Si nous avions eu 400 Français à Srebrenica, cela aurait été totalement différent, car nous nous serions battus. Les Néerlandais ont reçu l'ordre de se battre. Quand on reçoit l'ordre de s'opposer, on se bat, c'est la mission. Nous nous serions battus et tout aurait changé. Nous aurions manœuvré, replié les dispositifs extérieurs, mis en œuvre nos armes, comme les mortiers 81. Chaque engin blindé est équipé d'une mitrailleuse 50. Nous nous serions battus, nous aurions réagi, et je suis persuadé que nous aurions fait reculer les Serbes. Certes, il manquait dans les forces des Nations Unies des moyens pour annihiler l'artillerie serbe. Les Néerlandais avaient aussi des missiles anti-chars puissants. Ils ne les ont pas utilisés. Ils avaient des lance-roquettes anti-chars. Ils ne les ont pas utilisés. Je pense qu'ils auraient dû se battre, quoi qu'en dise le rapport du secrétaire général des Nations Unies. Si vous le voulez bien, je voudrais qu'on examine dans le détail ce qui s'est réellement passé à Srebrenica. Oui, je vous écoute. Dans l'affolement qui suit l'entrée des troupes serbes dans la zone de sécurité, quelques milliers de musulmans préfèrent la fuite à travers les bois. On apprendra plus tard que beaucoup ont été massacrés. Et aujourd'hui encore, on compte des milliers de disparus. Et les autres? Ils se réfugient près du casernement du bataillon hollandais, et même à l'intérieur. C'est une usine désaffectée qui se trouve à quelques kilomètres au nord de Srebrenica. On y comptera plus de 30 000 personnes terrorisées. Auparavant, les Bosniaques musulmans, qui disposaient encore d'armes, ont fait officiellement leur reddition en présence du général Mladic et du colonel hollandais. Ouais. Jusque-là, là, les musulmans qui n'ont pas fui peuvent penser que ça se passe à peu près bien. Oui, Mladic a dit que c'était une grande fête pour le peuple serbe à qui il offrait Srebrenica. Et en même temps, il s'est efforcé de rassurer les Bosniaques. On a même vu ce jour-là Karimans, le colonel hollandais, trinquer avec le général serbe. Un geste qu'on lui reprochera plus tard, naturellement. Mais dès qu'arrive le soir, les choses se gâtent. C'est-à-dire? Les Serbes commencent à trier la population. D'un côté, les hommes, entre 14 et 70 ans. De l'autre, les femmes, les enfants et les vieillards. Et comment justifie-t-il ce tri? Ils affirment qu'ils veulent séparer les hommes en état de combattre des autres. Et dès cette première nuit, on assiste à des exécutions et aussi à des scènes de torture. Alors, les casques bleus, là, ils laissent faire? Oui, mais pouvaient-ils faire autrement? Je ne sais pas. Et qu'advient-il alors de ces hommes qui ont été triés hein? Ils partent en colonne en pleine nuit vers un hameau censé être un point de regroupement. Dans un premier temps, les Serbes les laissent passer. Mais dès qu'ils se sont un peu éloignés, les hommes de Mladic passent à l'action et commencent à les tuer systématiquement, un véritable carnage. Et les femmes, les enfants et vieillards eux? Dès le lendemain, filmés par la télévision serbe, ils montent dans des bus et des camions, non sans que Mladic lui-même, toujours sous l'œil des caméras, leur ait offert chocolat et friandises. Mais dès que photographes et caméramans sont partis, les exactions commencent. Tous les passagers sont dépouillés de leurs biens et les femmes sont violées. Et encore une fois, les casques bleus hollandais sont témoins de certaines de ces horreurs. Toujours sans intervenir? Oui, c'est même plus loin, car certains d'entre eux donneront un coup de main aux Serbes pour rechercher et arrêter les hommes qui ont échappé au tri et se cachent encore à Srebrenica, dans le casernement onusien. Ah, là, c'est plus de la passivité, mais de la collaboration. Plus tard, pour leur défense, ils affirmeront qu'ils étaient persuadés que les Serbes allaient respecter les lois de la guerre. C'est ce que dira plus tard le colonel Karimans, afin de justifier le fait que ces hommes avaient aidé les Serbes à regrouper des hommes. Il aura même cet aveu terrible devant le TPI. Il ne m'est pas venu à l'esprit de demander à Mladic ce qui était arrivé aux réfugiés. Ouais. Ces soldats avaient pourtant été témoins des premières exactions perpétrées par les hommes de Mladic. Ils les ont même filmés ou photographiés. Mais ces documents accablants disparaîtront, mystérieusement. Ouais, là encore, certainement pas par hasard. Combien de musulmans ont-ils été assassinés par les Serbes de Mladic là? On estime qu'en 5 jours, près de 10 000 personnes ont été exterminées et ensuite hâtivement enterrées dans des fosses communes. Et puis il y a, je vous le rappelle, tous les gens qu'on ne retrouvera jamais. C'est donc un massacre systématique. Et planifié. Ouais. Il fallait que tous les non-serbes vident les lieux. D'ailleurs, quelques jours seulement après le début des massacres, des familles serbes viennent occuper les maisons des disparus. Ouais. Est-ce que la nouvelle de ces massacres est rapidement connue à l'extérieur ? Oui, oui, il y a d'abord des survivants qui ont réussi à fuir et parlent de ce qui s'est passé. Et puis il y a aussi les observations aériennes qui permettent de repérer les fosses communes et les charniers. Donc assez vite, on peut prendre la mesure de la gravité de l'événement. Les Serbes n'ont rien fait pour dissimuler ces atrocités ? Pas grand-chose, non. Et avouez que c'était difficile. Mais à mon avis, ça doit aussi faire partie de leur plan. Parce qu'ils entendent terroriser la population musulmane des autres zones de sécurité, et plus généralement de la Bosnie tout entière. Ouais. Comment réagit la communauté internationale, rappelez-moi ? Elle est d'abord incrédule, mais il lui faut bien peu à peu voir la vérité en face. L'un des premiers à réagir est le délégué de l'ONU pour les droits de l'homme en Yougoslavie, le Polonais Tadeusz Mazowiecki. Il démissionne immédiatement parce qu'il ne veut plus, dit-il, participer à un processus fictif de défense des droits de l'homme. Et il demande qu'une enquête soit ouverte sur l'attitude du bataillon hollandais. Une autre conséquence ? Aux États-Unis, la réaction est très vive. Et le Sénat, par exemple, vote la levée immédiate de l'embargo des armes à destination de la Bosnie-Herzégovine. Ouais. Et chez nous ? À Paris, on est enfin décidé à taper du poing sur la table. Ça va se traduire par l'envoi d'une délégation de 3 officiers supérieurs de l'OTAN, un Français, un Britannique et un Américain auprès du général Mladic. Cette fois, l'OTAN est ferme. Pas question de trinquer avec le bourreau de Srebrenica. Et c'est un véritable ultimatum que les 3 officiers délivrent à Mladic. Toute nouvelle provocation sera suivie d'une riposte militaire immédiate. L'OTAN n'acceptera pas que d'autres zones de sécurité soient attaquées. Mais est-ce que le général serbe peut entendre un tel langage ? Après tout, ça fait des mois et des mois qu'il se joue de la forprenue. C'est vrai qu'une fois de plus, il fanfaronne, menace même. Mais il finit par comprendre que le rapport de force est en train de changer. Et ça va se manifester assez rapidement sur le terrain. La force de réaction rapide, créée, je vous le rappelle, à l'initiative de la France, entre en jeu et desserre enfin l'étau dans lequel vivait Sarajevo depuis presque 3 ans. Mmh. Mais est-ce que cette force a créé fin mai, hein, c'est ça ? Mmh. N'aurait pas pu intervenir à Srebrenica ? Elle n'était pas encore opérationnelle. Et c'est à partir du mois d'août qu'elle se montre efficace. En même temps, les Américains lancent une série d'attaques aériennes qui vont durer une bonne quinzaine de jours et obligeront les Serbes à abandonner leur position au-dessus de Sarajevo. Mmh. Alors, quel est l'objectif et pourquoi cette toute nouvelle fermeté ? Incontestablement, la tragédie de Srebrenica a été le détonateur. Mais pas seulement. Fin août, le marché de Sarajevo est à nouveau frappé par un bombardement particulièrement meurtrier. Oui, cette fois, la coupe est pleine. En outre, Britanniques, Français et Américains veulent en finir avec cette guerre coûteuse en vie et aussi en argent. Jamais une opération de maintien de la paix n'a coûté aussi cher à la communauté internationale. Donc, si je vous comprends bien, l'objectif c'est d'amener degré ou de force les Serbes à la table de négociation, c'est bien ça, non ? Oui, et les Serbes vont y être d'autant plus enclins qu'ils doivent faire face à une offensive croate et bosniaque dans la région de la Krajina, qu'ils avaient conquise au tout début de la guerre. Pour être parfaitement impartial, il me faut souligner que cette conquête donne lieu à de nombreuses exactions sur les Serbes qui fuient par milliers vers la mère patrie. Mais vengeance ? Naturellement. Après Srebrenica, on pouvait craindre le pire. Et ce qui ne manque pas que celle, c'est que Milosevic lui-même, qui demandera aux Américains de peser de tout leur poids pour mettre fin à l'offensive des Croates et des Bosniaques. Ce que fera Washington ? Bien entendu. Je vous l'ai dit, les Occidentaux veulent en terminer. Et ça fait longtemps qu'ils ont leur plan. Leur plan, c'est-à-dire un partage de la Bosnie, seul susceptible, selon eux, de mettre fin au conflit. Et soyons lucides pour appliquer ce plan qui sera bientôt signé à Dayton. Srebrenica pesait très peu. D'abord, parce qu'il était prévu que cette enclave adossée à la frontière de la Serbie reviendrait forcément à la République serbe de Bosnie. Vous voulez dire que Srebrenica était condamnée avant même les massacres et l'offensive de Mladic ? J'en suis persuadé. Monsieur X a parlé tout à l'heure de Tadeusz Mazowiecki, ancien premier ministre polonais nommé par l'ONU responsable des droits de l'homme pour l'ex-Yougoslavie. Il démissionne en effet avec éclat tout de suite après la chute de Srebrenica. Et il explique pourquoi, dans une lettre adressée au secrétaire général de l'ONU, en voici un court extrait. « On ne peut parler avec crédibilité de défense des droits de l'homme quand on est confronté au manque de constance et de courage affiché par la communauté internationale et ses leaders. Ce sont la stabilité même de l'ordre international et le principe de la civilisation qui sont en jeu. » Dans la question bosniaque, des crimes ont été commis avec rapidité et brutalité, contrastant avec la lenteur et l'inefficacité de la réaction de la communauté internationale. Quant au procureur du tribunal pénal international, il présentera des preuves décrivant des scènes d'une violence inouïe. Je cite à nouveau. Des milliers d'hommes ont été exécutés et inhumés dans des fosses communes. Des centaines enterrés vivants,

Alors là, il faut m'expliquer. Hein. Bien entendu, Izetbegovitch était un réaliste. Il avait compris depuis longtemps qu'on ne reviendrait jamais au temps ancien, là où les trois nationalités présentes en Bosnie, c'est-à-dire les musulmans, les croates et les serbes, vivaient en bonne intelligence. Il savait aussi que le nationalisme serbe ne renoncerait jamais à ses ambitions. Ses ambitions de créer une grande Serbie. Hein. Et dans ce but, de créer une république serbe en Bosnie. Alors, ce réaliste s'est dit que seul un plan de partage de son pays pourrait mettre fin à la guerre. Au fond, il était sur la même ligne que les Occidentaux. Je le pense, oui. Même s'il ne le disait pas et continuait à réclamer la libération totale de la Bosnie. C'est très grave parce que ça signifie que le président Izetbegovic était lui aussi décidé à lâcher Srebrenica. Oui, oui, il suffit de regarder une carte. Srebrenica et l'autre enclave de Zepa étaient tout près de la frontière serbe. Si les Serbes de Bosnie arrivaient au terme d'un accord de partage à constituer un territoire homogène, il était évident que ces deux zones tomberaient obligatoirement dans le giron des Serbes. Ouais, alors Izetbegovic aurait donc lui aussi trahi les siens? Je le pense. Ouais. Est-ce que vous êtes en mesure de le prouver? J'observe d'abord que pendant les deux années qui ont séparé la première prise de Srebrenica par Mladic et la deuxième en 1995, le gouvernement de Sarajevo n'a pas fait beaucoup d'efforts pour assurer la défense de la petite ville. Oui, il avait quand même fort affaire à Sarajevo même. Hein, et puis il pouvait considérer que la protection de Srebrenica incombait au casque bleu puisqu'il y avait été décrété une zone de sécurité. Il n'empêche. Izetbegovic savait parfaitement que l'enclave n'était défendue que par 350 casques bleus. Comme il savait aussi, connaissant les grandes lignes du plan de partage, qu'il avait lui-même secrètement approuvé, que les Occidentaux ne mettraient guère de zèle à défendre cette enclave destinée à devenir serbe 100%. Mmh. Izetbegovic aurait donc, par réalisme, c'est bien ça, abandonné à leur sort ses compatriotes de Srebrenica. Oui, et comme vous me demandiez une preuve, je vais vous en donner une. 3 mois avant la chute de Srebrenica, le gouvernement de Sarajevo a rappelé l'homme qui commandait la défense de la petite ville. Et il n'a pas quitté Srebrenica tout seul. 18 de ses officiers l'ont accompagné. Vous ne trouvez pas ça troublant, vous? Je voudrais emprunter la conclusion de cet entretien à Nicolas Poincaré, qui a été longtemps un grand reporter de talent dans notre maison de Radio France. Voici ce qu'il écrit dans une postface au livre Srebrenica 1995, l'été d'une agonie des femmes témoignent, publié en 2000 par les éditions Arte. Srebrenica, c'est le dernier grand massacre de la guerre en Bosnie, mais c'est beaucoup plus que cela. L'épisode le plus tragique de cette guerre a définitivement scellé l'échec de l'Europe et des Nations Unies. Un fiasco total puisque l'ONU n'a pas seulement assisté sans réagir à l'extermination de près de 10 000 personnes, l'ONU porte également une responsabilité directe. La ville, en effet, avait été démilitarisée en 1993 et les Bosniaques avaient accepté de rendre leurs armes en échange de la protection de la Forprenu. L'absence de réaction du commandement militaire, le refus des frappes aériennes demandées par le colonel hollandais, le silence des gouvernements français, anglais ou américains pendant le drame ne sont pas seulement une faute, mais bien une trahison des engagements pris. Le 15 juillet 1995 restera sans doute dans l'histoire parce que, depuis cette date, plus personne n'a pu défendre l'idée des casques bleus. C'est la fin des soldats de la paix, la fin d'une époque où les Nations Unies assuraient un rôle de gendarme mondial. Après Srebrenica, aucun grand pays n'a plus accepté de placer ses contingents sous commandement onusien. C'est d'ailleurs avec une satisfaction non feinte que les militaires français ou anglais sont passés sous la bannière de l'OTAN. Moins de 6 mois après ce massacre, les véhicules blancs ont prestement été repeints en kaki, les casques bleus couverts d'une toile couleur camouflage ou rangés au rayon des souvenirs historiques.